Les organisations bangladaises, le Parti communiste marxiste-léniniste, le Rassemblement populaire, le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes avec Toussaint 2017, l'Institut des études Jussé, le comité pour l'amitié et la solidarité avec la Corée et le cercle d'études de la politique de Sungun ont publié le 25 août une déclaration commune contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes Ulti Freedom Guardian. Par ailleurs, le comité solidaire des syndiqués pour la réunification pacifique de la Corée et de l'Autriche a envoyé le 26 août une lettre à l'ambassade américaine dans son pays en signe de protestation aux exercices militaires Ulti Freedom Guardian.